بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Il a froncé les sourcils et s'est détourné. Parce que l'aveugle est venu vers lui lui parler. Qui te dit qu'il n'allait pas se purifier ? Ou que, rappelé, il n'allait pas profiter du rappel. Quant à celui qui se complaît et se suffit de sa richesse, celui-là, tu vas volontiers à sa rencontre. Alors qu'il ne te sera fait aucun reproche s'il ne se purifie pas de sa mécréance. Mais celui qui vient te trouver en toute hâte et qui craint Allah, tu le délaisses, détourné par autre chose. Que non, et cela est un rappel. S'en souvienne qui voudra. Ce rappel est écrit sur des feuillets révérés. Élevé haut et purifié. Entre les mains d'émissaires. Honoré et dévoué. Périsse l'homme, comme il est ingrat. De quoi l'a-t-il créé ? C'est d'une goutte de sperme qu'il l'a créé, puis il en a déterminé la destinée. Il lui a rendu facile le chemin. Puis l'a fait mourir et entrer dans la tombe. Puis quand il voudra, il le ressuscitera. Non, l'homme n'a pas encore accompli ce qu'Allah lui a ordonné. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est bien nous qui déversons l'eau du ciel en abondance. Puis fendons et creusons la terre. Pour y faire pousser le grain. La vigne et la luzerne. L'olivier et le palmier. Et les jardins luxuriants. Et les fruits et les pâturages. En jouissance pour vous et pour vos bestiaux. Mais quand viendra la clameur retentissante ? يوم يفر المرء من أخيه. Le jour où l'homme fuira son frère. وأمه وأبيه. Sa mère et son père. وصاحبته وبنيه. Sa compagne et ses enfants. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Alors, ce jour-là, chacun d'entre eux sera préoccupé par ce qui le concerne. Des visages ce jour-là seront radieux. Riant et plein d'espérance. Et d'autres visages ce jour-là seront couverts de poussière, rembrunis par les ténèbres. Ceux-là sont les mécréants et les pervers.